Tu es le Dieu du ciel et de la terre. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, va t'asseoir là. T'asseoir. Ouh, vous allez bien? Ça va, mon cher? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a des petits fruits. Ah, c'est le chef évangéliste ici. Ne vous inquiétez pas, ne le regardez pas. Ne faites pas attention. Il n'a pas la sueur sur lui. Il est le seul qui n'a pas la sueur. Toi aussi. Viens, viens. Je veux votre attention. Le. Le démon, même les démons veulent m'épouser. Ils veulent m'épouser. Alors, la période des gens qui est en train d'arriver, qu'on commence aujourd'hui, dit passer le temps dans la repentance. Il parle des hommes. On va brûler. Ça, c'est une porte d'entrée qui a été ouverte récemment. Ça. Même toi, tu n'as pas la suite. Donc, écoutez, maintenant, tais-toi. Tais-toi. Quitte ici. Quitte, allez, au sol. Au sol, au sol. Au sol, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au sol. Au sol. Là. Qu'est-ce que tu fais? Au sol. Là. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au sol. Au sol. Au sol. Vous voyez ça? Mais de toute façon. Je ne sais pas plus. Écoutez très attentivement. Jésus! Les hommes, durant ce moment de jeûne, passaient à la repentance. D'accord? Il dit que les trois derniers jours, jusqu'au. Ça finit jusqu'à quel moment? Le 30 donc, 27. 28, 20, non, 28, 29, 30. Jeûne à 7. C'est pas comment que c'est le jour là que ça me dit. Et on va se réunir chez toi, d'accord? Donc vous passez le temps dans la repentance. Dans la repentance. Vous avez suivi? Voilà. Je vais seulement donner quelques instructions. On va prier pour le Gabon. Gabon! Je vais détruire ce peuple! Ce peuple, je vais détruire ça! Pour que Dieu donne le. Ne faites pas attention là-bas. Regardez-moi très attentivement. On prie pour le Gabon pour que Dieu donne, parle à la conscience de ceux qui dirigent. Pour qu'ils regardent l'intérêt du peuple plutôt que leur propre intérêt. Que Dieu parle à leur conscience. D'accord? Vous gardez ça dans la prière. Non, pas commencer maintenant là. Je suis venu en retard comme ça parce qu'ils m'ont créé le problème avec la voiture. Ils étaient au garage, mais ils sont comme ça du garage. Donc ça n'a pas commencé maintenant là. Soyez concentrés. Deux. Il y a un monsieur. On va brûler. On va disparaître. Pourquoi? Parce que où? Tu disparais, tu pars où? Monsieur Gignard! Il y a un monsieur qui est comme modèle que Satan a suscité avec les tatouages sur lui, beaucoup comme ça, il chante. C'est qui? Le Père Junior, monsieur. Ah, tu veux m'épouser? Non, viens. Je te... Alors, ce garçon, c'est ce qui va lui arriver. C'est pour donner les instructions aux jeunes garçons qui sont allés le suivre. Parce que Dieu veut... Il y a des choses qui sont de marcher dans sa chair. Donc, c'est le cancer. Et ça va être irrémédiable. Il parle d'un musicien américain. Il a le. On a piqué partout sur lui. Donc, vous savez, quand je parle des semences, des serpents, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas se repentir, même si vous faites n'importe comment. Mais je suis en train de vous dire ça maintenant avant que cela n'arrive. Parce que ce qui arrive devant là, c'est. Le Seigneur permet cela pour donner l'instruction aux gens qui imitent les stars. C'est-à-dire que les choses qu'on fait sur le corps. On peut faire n'importe quoi. On donne n'importe explication que c'est mon star. Mais il y a le cancer dedans. D'accord. Donc quelque chose. Je dis seulement comme ça pour que vous fassiez attention à ce qu'on regarde chaque fois avec les stars à la télévision. Ils ont une mission. Donc en réalité, sa mission est terminée. Donc, j'ai parlé des Gabon déjà, n'est-ce pas? Il y a la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. Ça, c'est RDC. Il y avait pas, une fois, il y avait parlé de Congo qui est juste à côté aussi. Congo. Ne faites pas attention, je suis en train de la surveiller, d'accord? Donc, il y a Congo-Brazzaville. Il y avait parlé d'un général. Congo-Brazzaville, c'est ça? On va parler d'un général qui est là-bas qui fait des sacrifices humains. Vous vous souvenez de cela? Congo-Brazzaville. Elle fait cet homme-là fait les sacrifices humains. Ça, c'est Congo-Brazzaville. Maintenant, par rapport au Congo-RDC, il y a des choses massives qui se préparent dans une forêt là-bas pour faire des choses. Je vais y revenir là-dessus. Donc, il faut comprimer. C'est pour le Gabon qui est plus... C'est ça qui préoccupe là maintenant, la situation du Gabon. Puis il y a la Côte d'Ivoire qui n'est pas terminée. Et il y a un message que je ne sais pas comment faire. Pour l'Amérique, j'ai donné ça en anglais. Parce que j'ai fait au maximum pour que les gens qui sont en anglais puissent comprendre. Et souvenez-vous donc, plusieurs fois, je vous ai demandé ici à vous qui avez les gens en Amérique de les faire quitter en Amérique, n'est-ce pas? Maintenant, Cameroun. Donc ce sont des situations de prière que je vais vous dire. Pourquoi quand vous êtes dans la prière, vous priez. Maintenant, je prends un dernier là, il y en a plein, je vais seulement piquer. Ils sont des pipés comme ça, des choses. En Afrique de l'Ouest, il y a un garçon, il est grand détail, c'est un joueur de football. Grand détail. Il est en Afrique de l'Ouest, je l'ai regardé, c'est comme s'il a acheté le terrain, ça c'est, il avait un problème de terrain avec sa propre famille. C'est un garçon qui, vous savez, quand quelqu'un a le. Il a une tension, c'est une tension qui est dans la famille. Donc je l'ai regardé, c'est comme s'il est retourné dans son pays. C'est comme si, j'ai pas le temps d'être pour tramer ces choses-ci. Il est à l'extérieur, mais c'est comme s'il a donné de l'argent pour acheter des maisons, quelque chose comme cela. Donc il y a une situation dans la famille. Pourquoi Dieu montre ces choses-ci? Quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'a rien à voir avec moi et autre chose là-bas, parce qu'il y a une situation dans la famille, il y a une tension dans la famille. Et cette tension-ci, c'est comme si un pasteur est impliqué dans cette tension-ci. Dans cette tension-ci. Mais le pasteur ne se trouve pas dans son pays. Donc, vous allez prier pour lui. C'est un joueur, il a les cheveux bizarres comme ça. Il est grand détail. C'est l'Afrique de l'Ouest, ça. Voilà. Donc, je crois que... On a touché le tout. Donc, pour les jeunes, le jeûne qui concerne cela, repentance, passer le temps dans la repentance. Repentance. Le moment arrivé là. Après cela, on va travailler particulièrement pour le pays. Et si Dieu permet, il va donner. Ça sera entre nous maintenant. La nouvelle ère qui s'élève sur le Cameroun. Donc, Dieu est en train de balayer les anciens. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Je crois que c'était la bonne chose. Dieu est en train de balayer donc l'ancienne génération. Donc, si Dieu permet, quand on va travailler, je vais donner des noms. S'il le permet, je vais donner des noms. Ce qui va arriver au-delà, s'il permet comme ça. Mais pour le Cameroun, il m'est difficile de parler. Donc, pour les noms, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. D'accord, mes soeurs. Donc, il est temps maintenant qu'on va prendre l'assaut avec le Cameroun. Le Cameroun. Et quand on va prendre le Cameroun, ce n'est pas l'État qui nous intéresse, c'est l'Église. C'est l'État de l'Église ici dans notre pays. C'est sur ça qu'on va travailler dans la repentance. Vous me suivez? Vous me suivez, frère? Donc, repentance. Donc, les trois derniers jours, quand on va se réunir, si Dieu me permet d'être au milieu de vous, je donne directement là. Vous restez seulement dans l'attente du Seigneur pendant ces trois jours. Quand vous allez vous réunir le troisième jour, vous allez revenir, attendez-vous seulement là-bas, restez seulement calme et observez Dieu à l'œuvre. D'accord? si vous faites de la bonne façon, le 30e, le dernier jour, vous êtes dans le jeûne là-bas, restez, allez dans sa présence, restez-y seulement tranquille et observez-le à l'œuvre. C'est ce qu'il en est. Je vais parler du Gabon, n'est-ce pas? Donc, on prie pour que le Seigneur parle à leurs pensées. Parce que ici, là, maintenant, c'est beaucoup de personnes sont heurtées. Beaucoup de personnes sont heurtées. J'espère qu'ils n'oublient pas quelque chose. Beaucoup de personnes sont heurtées. Des choses sont sur le point de changer. Ce qui est en train d'arriver, ce qui va arriver au Cameroun n'est pas simplement au Cameroun. C'est quelque chose qui va balayer toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Donc, et ça, c'est le cri. Il faut que c'est l'Église qui peut bouger ça. L'Église. Mais si les mêmes fautes qui se passent là-bas se passent aussi dans l'Église, on est mal barré. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose de récent, ça. C'est quelque chose de récent. C'est bon? Il a dit même ses propres problèmes, ça ne le laisse pas. Baissons la tête, on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour ta magnificence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes révélations. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce à notre milieu. Merci, Père de gloire, parce que tu libères ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci surtout pour ta miséricorde qui parle à notre faveur. Merci, Père de gloire, pour toutes les accusations de l'ennemi. Tu es là pour nous racheter toujours. Toutes nos fautes, Seigneur Dieu de gloire, tu es là pour parler à notre faveur. Seigneur, je prie pour ce peuple. Je te le recommande entre tes mains. Chaque pensée ici, chaque cœur, chaque corps entre tes mains. Que la gloire te revienne, Père, et souviens-toi, ô Père de gloire, pour tous ceux-là qui souffrent dans ces pays-là, que toi-même tu as révélé. Je prie, Père de gloire, que tu aies un regard favorable pour eux. Que ton nom Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Gardez en prière ces pays-là, et puis particulièrement cette personne, le garçon qui est géant, le footballeur qui est géant. Que le Seigneur vous bénisse alors. Amen.